Quelle bonne raison nos grands-pères avaient-ils pour faire la guerre, autre que de défendre leurs arrières? Et quoi que ce soit des mythes, ces guerres n'ont aucun mérite. La révolution est pour moi l'élite. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées de haut, être là contemplant les bourgeois en tremblés d'effroi. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées de haut, être là contemplant les bourgeois en tremblés d'effroi. Se battre sans argument, juste pour virer les méchants, cela n'a vraiment rien d'excitant. Y'a pas de bourgeois dans l'armée, ils sont plutôt alarmés, ils basculent facilement de l'autre côté. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées, doit être là contemplant les bourgeois en tremblés d'effroi. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées, doit être là contemplant les bourgeois en tremblés d'effroi. Révolutionnaires en déroute, manifeste sur le bord des routes, 89 et bien loin sans doute. Dès que les flics chargent un peu, vous retournez chez vos aïeux. Les réformistes peuvent être prétentieux. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées, Noël la contemplant les bourgeois en tremblés d'effroi. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées, l'ouest la contemplant les bourgeois en tremblés d'effroi. Elle a volé de la viande et du pain pour nourrir ses trois chérubins. Ce sera la prison pour elle, c'est certain. Il a escroqué toute la France, c'est vraiment le roi de la manigance. Il échappera sûrement à la pénitence. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées, l'ouest la contemplant les bourgeois en tremblés d'effroi. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées, l'ouest la contemplant les bourgeois en tremblés d'effroi. Laissez Jeanne d'Arc à ses fagots, les rois, les nobles dans leurs cachots, le règne patronal sur les chapeaux. Révolution, je crie ton nom, la race des fumiers et des cons sera toujours celle bourrée de pognon. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées, l'ouest la contemplant les bourgeois en tremblés d'effroi. J'aurais voulu voir crever les aristos, applaudir quand leurs têtes sont tombées.